Qui a volé la clé des champs? La pivoleuse ou le jet bleu? Qui a perdu la clé des champs? La marmotte ou le hoche-queue? Qui a volé la clé des champs? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vous. Elle est à personne et partout. La clé des champs, la clé de tout. Voici qu'un oiseau chante dans une pauvre cage en bois. Mélor, voici qu'un oiseau chante sur ma ville et sous ses toits. Puis, vois dans l'air plus haut monter. Alors, voici que l'oiseau dit que tout l'hiver s'en est allé et qu'on voit l'herbe qui verdit, et sur les chemins la poussière déjà, et les bêtes aussi, et toi fumant dans la lumière, que l'on dirait qu'il est midi. Et puis encore, sa voix montée, que l'air est d'or et resplendit, et puis le bleu du ciel touché, qu'il est ouvert le paradis. Thank you. Fasciné par sa disparition. Petit roseau m'a suffi à faire chanter la forêt. Thank you. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur les flots du sourcelet, cours-y vite, sur les flots du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé. Paris rouge, je me fais un flétio.